faire de sourire. Malgré tout, je rêve de m'en sortir. Malgré tout ça, je veux pas partir. Malgré tout ça. On va tous nier possible à tôle, on va tous nier. On va tous nier possible à tôle, on va tous nier. On va tous nier possible à tôle, on va tous nier. C'est le six que je veux, tu nous connais pas, c'est le six que je veux.